Ok, génération hip-hop 1 qui circule dans les hip-hop. Itinéraire d'une musique. Ok, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte 1. Ok, hey, 1. Ok, hey. Itinéraire d'une musique, okay. Embrouille ou poésie, embrouille et frénésie, ou la paix que l'on retrouve dans nos vies. Ne parle pas à tort d'une prose Al-Qaïda, d'un corps de remords comme quoi le RAP est mort. Ne crache pas sur les sommeurs d'un mal et du bitume. Et si on vomit un discours, c'est la faute de la plume, okay. Elle aurait rendu l'âme depuis pas mal d'années. Si tu disais pas que le RAP est condamné, pour certains elle se résume au flot à dégager. Pour d'autres elle fait vibrer avec des sommeurs engagés, okay. Elle est brutale et violente, insolente et formée à la haine et à l'image des peines. Elle est pisse, anti-peine, la seule à faire bouger les gens au service de la paix. Ok, mais surtout ne dis pas que le peura est mort. Soit tu ne comprends pas, soit tu t'es trompé de ce mort. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piges qu'il doit mourir, 10 piges qu'il ressuscite, 10 piges de disques d'or et 30 piges dans les platines. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piges qu'il doit mourir, 10 piges qu'il ressuscite, 10 piges de disques d'or et 30 piges dans les platines. L'écriture en est la base et la voix son bras droit, l'instru complète le tout, c'est l'harmonie du peura. Tu peux y parler de la vie, de guerre comme de cul, tout ce qui se passe dans ta tête sera le bienvenu. Leurs victoires de la musique sont dans leur rouge, elles ont leurs règles de mauvaise humeur car c'est notre peura qui les bouge. Combien de genres musicaux, qu'elles des centaines de vers, une cinquantaine de rimes sur le système et ses travers. Leur rap n'a pas d'âge et pas de couleur, le rap n'a pas de milieu, le rap est black blanc beurre. C'est la poésie urbaine qui nous coule dans les veines, qui passe dans le conscient, en instance elle fait des siennes. C'est le RAP qui prône, qui a décroché le trône, de la cambro jusqu'à la zone, le genre en est son dôme. De la danse au graphe, un gros boom dans les basses, poète du bitume, c'est ta prose qui surpasse. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piges qu'il doit mourir, 10 piges qu'il ressuscite, 10 piges de disques d'or et 30 piges dans les platines. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piges qu'il doit mourir, 10 piges qu'il ressuscite, 10 piges de disques d'or et 30 piges dans les platines. C'est parti pour un tour, viens petit, ça vaut le détour. Un beat basé sur le posé, osé car c'est du lourd. J'ai franchi les étapes et brûlé les feux rouges, mais viens, je suis dans le carrefour, le son banal, je le bouge. Y'a pas de fumée sans feu, c'est ça qu'on m'a appris. Je viens pour brûler les feux et semer la police. J'ai pas de vis dans les veines, mais de la haine pour la police. La peine de mort est une bavure, le sang coule sur les murs. Appelle-moi Jackie Chan et si je jeûne sur le tempo. Si les jeunes sont des pédos, je viendrai pour leur briser les os. Je ne viens pas chercher le clash, mais bel et bien trouver l'inspice. Y'en a pas dans la musique, je la trouverai dans la celle-ci. Je kiffe tellement les mots que j'en crée des expressions. L'inspiration zéro de la sarcopénétration. Un son joyeux ne fait pas de mal aux pauvres sèches de salle. Je t'assaisonne tard d'armes et viens te mettre à table. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piges qu'il doit mourir, 10 piges qu'il ressuscite, 10 piges de disques d'or et 30 piges dans les platines. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piges qu'il doit mourir, 10 piges qu'il ressuscite, 10 piges de disques d'or et 30 piges dans les platines. Génération hip-hop, ok, qui circule dans les hip-hop, gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. Ça fait tellement de temps que je dois mourir.